avancer nous poursuit inlassablement. Je cours malgré le temps, ce temps qui passe. Nous devons lui faire face. Nous devons lui faire face. Je m'enfuis sans limite et ne me à travailler.